tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard, quand on aime c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte ça va tout seul, quand elle est moche on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent, et puis on sort, on va griller une cigarette. L'amour, ça se prend, et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.